chemins qui longeaient les jardins. Nous allions étant gosses et nous roulions carrosse. J'étais riche de toi et toi de ces palais que je te construisais avec trois bouts de bois. Des petits amoureux à l'écart de l'école. Je t'aimais tête folle quand tes yeux clairs hier me lançaient des viens donc. Nous passions la clairière en sautant les buissons. Qu'il se lézarde, qu'un vieux cœur amoureux en cette journée musarde. Regardant vers hier, je revois tes deux mains derrière ta verrière qui me disait à demain. De fer qui conduit à Ostende, moi je crois dur comme fer à ces mains qui se tendent. Là-bas, chère tête folle, j'irai à ton école des petits chemins creux et des sentiers herbeux.